Tu es si belle, couleur d'ébène. Tu es si belle, couleur de miel. J'écrirai des mots sur ton corps, comme si je te jetais un sort. Mes poèmes peints de ta beauté, de toute cette vie qui naît de toi. Tu es muse, tu es passion. Femme, tu es joie, inspiration. Back in the game.